Journal d'un ancien globe-trotteur, écrit par Justine Merriot. Lu par Armen pour audiocité.net. Il vient de m'arriver une chose assez insolite. En poste sur l'île de la Réunion depuis quelques mois, comme c'était le week-end, j'avais décidé ce jour-là d'aller à Saint-Denis, la capitale, et visiter le muséum d'histoire naturelle qui se trouve en centre-ville, dans un vaste et beau parc dénommé Jardin de l'État. De prime abord, ce musée n'a pas l'air d'en être un. Installé comme il est à l'intérieur d'une superbe case créole du plus pur style colonial. Immense corps de bâtiments rectangulaires, flanqué en façade de quatre très hautes colonnes soutenant un chapiteau triangulaire. Le tout d'une blancheur éblouissante, au milieu de cet écrin de verdure baigné presque en permanence d'une intense luminosité. Après m'être parfois étonné, parfois émerveillé devant le patrimoine biologique de la faune et de la flore réunionnaise, dont certaines espèces endémiques disparues depuis, mais regroupées ici sous différents aspects, tels que croquis, aquarelles, herbiers, oiseaux empaillés, sculptures diverses et squelettes d'animaux, je sortis du musée un peu plus instruite qu'auparavant sur mon nouveau pays, notamment sur les dodos, dont j'avais souvent entendu parler sans savoir qu'il s'agissait de sortes d'énormes dindes sauvages, tellement chassées autrefois pour leur chair, malgré l'odeur épouvantable que, paraît-il, elles dégageaient, peut-être aussi pour cela, qu'elles avaient très vite disparu, de même que toute espèce de singe et de perroquet d'ailleurs. Et redoutant davantage à présent, je dois dire, de trouver dans mon habitation quelques scolopendres ou scorpions, eux, toujours bien présents, même si leur piqûre n'est, semble-t-il, pas aussi dangereuse ni douloureuse que dans d'autres pays tropicaux ou équatoriaux. Mais plutôt heureuse maintenant de pouvoir enfin donner un nom à ces fines silhouettes, si particulièrement blanches et gracieuses, que j'avais déjà souvent remarqué planant dans l'azur du ciel, ou encore tournoyant au-dessus de l'océan pour y plonger soudain parfois à l'affût de quelques pitances. Ce sont les fameux pailles en queue, ces oiseaux mythiques de l'île par excellence. J'étais quand même un peu triste d'avoir appris qu'en 4 siècles, l'homme avait fini par éliminer 25 espèces d'oiseaux, une vingtaine de plantes et 80% de forêts. Dieu merci, je fus rassurée de savoir que, malgré tout, les botanistes du monde entier s'accordaient à reconnaître la Réunion comme unique en son genre, parce qu'étant la seule à posséder autant de plantes endémiques et exotiques, et autant d'espèces de bois de couleur, 153 exactement, sur une surface aussi restreinte. N'empêche que je regrettais beaucoup qu'il n'y ait plus d'oiseaux-mouches, de calaos, de perroquets et de singes. L'homme, toujours lui, surtout les premiers débarqués sur l'île, avaient encore perpétré ces dégâts. Je m'étais ensuite assise sur l'un des nombreux bancs du parc, sous les frais ombrages d'un flamboyant apparemment centenaire. Subjuguée, j'admirais son opulente chevelure, qui retombait en une profusion de grappes d'un rouge incandescent, pensant immédiatement que ce bel arbre ne pouvait pas mieux mériter son nom. Je me trouvais face au très imposant bassin qui occupe, sur presque toute sa longueur, la partie centrale de cette sorte de square géant que représente le jardin de l'État. Occupé à contempler sa multitude de jets d'eau s'élevant à bonne hauteur, délassé et rafraîchi par le gracieux spectacle de la pluie irisée, retombant avec légèreté dans l'éclatant soleil, je n'avais pas vu la jeune Catherine qui s'était avancée jusqu'à mon banc. Lorsqu'elle s'adressa à moi, je remarquai aussitôt la beauté en rien sauvage de la fillette, avec son métissage lui donnant un teint satiné, couleur café au lait, ses yeux de lynx mi-bleu mi-vert, sa chevelure brune aux reflets fauves, épaisse, abondante, qui lui descendait aux épaules en une cascade brillante de boucles détendues comme une myriade de petits ressorts. Sa silhouette féline, élancée et souple, se découpait, lumineuse dans les rayons solaires. Elle me dit avec ce parler créole si particulier, vif et chantant, si charmant parce que toujours chaleureux. Mais il est venu dire à haut qu'il a fait tomber quelque chose sous votre banc, mais il a vu. Puis, gracieuse et souriante, elle s'enfuit aussitôt en tournant les talons, virevoltant et sautillant comme une gazelle dans le soleil couchant. Surprise, je me penchai et aperçus en effet quelque chose sous mon banc. J'attrapai l'objet et constatai, très étonné, qu'il s'agissait d'une espèce de volumineux cahier noir ou encore d'une sorte d'énorme carnet, qui ne m'appartenait bien sûr pas. Je l'ouvris et pus y lire sur la première page, tout en haut, « Journal d'un ancien globe-trotteur ». Avec un étonnement croissant, je feuilletai quelques pages au hasard, et ce que j'y lus attisa encore ma curiosité. Comment et pourquoi ce cahier avait-il atterri là? L'avait-on jeté exprès? Ou l'avait-on perdu? Il appartenait forcément à quelqu'un, mais le jour commençait à décliner sérieusement, et je devais parcourir plusieurs kilomètres pour regagner mon domicile, situé à Saint-Paul. Intriguée, je rangeai donc le cahier dans mon sac, remettant à plus tard chez moi l'envie d'en connaître davantage sur les mémoires intimes de mon inconnu. Je montai dans ma voiture et traversai, pour une fois sans trop de difficulté, les rues menant au Barachois, quartier du front de mer où se trouve entre autres la préfecture, passant devant les célèbres canons dirigés vers l'océan Indien et qui gardaient dans le temps longtemps l'entrée de l'ancien port dionysien. Puis j'empruntai la route du littoral, celle qui longe l'océan en passant de l'autre côté du fameux tunnel sous lequel on s'engouffre dans l'autre sens. Ce tunnel de la non moins célèbre falaise de la capitale, creusé tout d'abord en des siècles anciens, par les esclaves d'alors dont beaucoup ont hélas laissé leur vie sous de nombreux éboulements. Éboulements malheureusement toujours d'actualité et qui le resteront sans doute malgré les énormes travaux entrepris pour y remédier. Tels ces innombrables filets d'acier tendus sur la roche comme de gigantesques toiles d'araignée ou encore ces effondrements volontaires provoqués par des tirs de mine. Passage à risque, sorte de roulette russe pour tout automobiliste, mais passage cependant obligé pour permettre aux autochtones de circuler librement sur leur île, sans être contraints de prendre la route de montagne, celle des hauts, comme on dit ici, accidentée, parsemée de virages souvent dangereux et surtout beaucoup trop longue. Quelques kilomètres plus loin, je dépassai le port, la possession, puis rivière des Galets. Et après avoir franchi le pont métallique qui enjambe cette imposante ravine, composée d'impressionnants blocs de pierre arrondis rejoignant la mer, j'arrivai enfin à Saint-Paul. J'habitais dans une jolie villa de bois peinte en blanc, au charme typiquement créole, du style case Tommy, avec ses volets à bascule, sa varangue et sa décoration agrémentée de lambrequins. Plantée au milieu d'un minuscule jardin parsemé de frangipaniers blancs, de bananiers et de bougainvillées, la maison se trouvait en arrière-plan de la plage de Saint-Paul, sur une petite butte au-dessus de l'océan et non loin du célèbre cimetière marin. Cimetière devenu célèbre surtout grâce à la tombe du pirate corsaire, la Buse, qui fut ensevelie à la verticale pour le punir de ses méfaits. Une vraie légende, puisque, après que ce dernier fut pendu sur l'île et enterré debout, exprès, paraît-il, afin qu'il ne puisse se reposer, un énigmatique parchemin a été retrouvé dans ses affaires, mentionnant, sous forme de rébus restés indéchiffrables jusqu'à ce jour, une fortune considérable qui aurait été cachée en un endroit précis de la Réunion. Quelques naïves et opiniâtres personnes la cherchent d'ailleurs toujours, dans l'espoir sans doute d'être enfin les heureux gagnants d'un jeu gratuit qui dure depuis des décennies et censé les mettre une fois pour toutes à l'abri du besoin. Ce cimetière demeure l'une des nombreuses curiosités de l'île que viennent forcément visiter la plupart des touristes. Une fois chez moi, après avoir avalé rapidement le reste d'un curry poulet accompagné d'un rougail mangue, je ne résistais pas plus longtemps à la tentation de me plonger dans la lecture du mystérieux carnet trouvé. Bien installé dans les profondeurs de mon fauteuil préféré, voici ce que je lus avec un intérêt croissant auquel se mêla ensuite une certaine stupéfaction au fur et à mesure du récit. Île de la Réunion, Saint-Denis, le 3 janvier 2005. Ce jour, j'ai décidé de me confier sur papier, de me souvenir. Je m'ennuie. L'ennui peu y échappe, il rattrape toujours tout le monde tôt ou tard. Pour le tromper, j'ai décidé de rédiger quelques lignes sur des événements marquants de ma vie. Ça me fera passer le temps intelligemment au lieu de rien glander. Et pourtant, on ne devrait jamais s'ennuyer. Les années filent à une telle vitesse. Dire qu'on est déjà en 2005. Tout va tellement vite, finalement. Plus on avance en âge et plus on en est conscient. Décidément, c'est bien vrai que la vie se conjugue davantage au passé et que l'avenir se rétrécit comme une vraie peau de chagrin. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, je m'ennuie passablement. Je tourne en rond dans la maison. J'attends Clémence avec impatience. Près de 8 jours déjà qu'elle est partie chez sa mère en métropole, comme tous les ans pour les fêtes. Et comme tous les ans, impossible pour moi de la suivre là-bas. Travail oblige. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Pas comme autrefois, quand j'étais célibataire, et que je préférais prendre les chemins de la liberté, ceux qui mènent à Rome et encore plus loin, plutôt que ce morne et astreignant de bureaux parfois austères. J'ai le temps d'attendre. Clémence ne rentrera que le 20. Elle est à peine partie que j'attends déjà son retour avec impatience. Et je me sens tout à coup un peu seule. C'est con, les mecs, quand ils se retrouvent seuls. Habitués à se reposer presque entièrement sur leur compagne pour les travaux ménagers, ils se sentent soudain perdus. Je me sens perdue. Le soir, je mange à n'importe quelle heure. Je bouffe n'importe quoi. Je laisse tout aller dans la maison. Je fais même pas le ménage. Quant à mon lit, faudra vite que j'y mette bon ordre avant l'arrivée de Clémence. Quand je rentre du boulot en fin de journée, la première chose que je fais, c'est d'attraper la bouteille de whisky ou encore du rhum arrangé. Mais moins souvent, ça pèse trop sur les neurones. Il me manquerait plus que de fumer du zamal, comme les rastas réunionnais. Mais les joints, c'est plus mon truc. Donc, je m'écroule au fond d'un fauteuil devant la télé et je me tape 2 ou 3 verres, bien tassés, il faut dire, en la regardant pendant des heures. Chaque soir, je dois être un peu pété. Si Clémence me voyait, elle que ça énerve quand je bois trop. Mais elle s'en doute, la fine mouche. La dernière fois, au téléphone, elle m'a fait une remarque sur ma drôle de voix. Une voix un peu pâteuse, évidemment. Mais à elle aussi, j'ai trouvé une drôle de voix. Bah, sans doute qu'elle n'était pas contente après moi. Heureusement qu'on se téléphone de temps en temps. Enfin, surtout moi, parce que j'ai beau lui demander de m'appeler, je comprends vraiment pas pourquoi elle le fait de moins en moins souvent. Bien obligée de constater que si je l'appelle pas, j'espère qu'elle va le faire ce soir. Vu la joie que ça me procure aussitôt de l'entendre, alors que, curieusement, j'ai de plus en plus la désagréable impression que ce n'est pas vraiment réciproque, ce qui me perturbe pas mal. C'est bien, surtout maintenant, que je me rends compte à quel point ma douce amie me manque. J'en suis d'ailleurs constamment étonné, moi, l'ancien baroudeur qui sillonnait les routes en solitaire, n'ayant besoin de rien ni de personne, sauf de m'en mettre plein les yeux, en partant toujours vers un autre ailleurs qui serait encore plus beau ou plus intéressant. Mais quand on rencontre une femme qui vous plaît vraiment, forcément, on stoppe tout, on sent bourgeoise. Enfin, je ne vais pas cracher dans la soupe. Près de 5 ans de bonheur avec mon adorable Clémence, ça compte plus que tout le reste, et c'est quand même pas rien. Alors maintenant, bien sûr, je pense différemment. Par exemple, je me dis qu'il est heureux que les téléphones mobiles existent. C'est pratique pour tout le monde, mais pour les gens qui s'aiment, absolument indispensable. Donc, ce soir, au lieu de continuer à m'avachir dans mon fauteuil télé, j'ai filé dans mon bureau sitôt les infos terminées. Et, en attendant impatiemment un coup de fil de Clémence, j'ai sorti d'une vétuste cantine que je trimballe toujours partout avec moi, une sorte d'énorme cahier, plutôt du genre gros carnet, avec son épaisse couverture cartonnée recouverte d'une légère fibre textile noire, comme on en utilisait autrefois pour la comptabilité. D'ailleurs, je pense que ce cahier me vient de mes grands-parents, qui devaient y faire leur compte puisqu'ils étaient commerçants. Toujours est-il que celui-ci était entièrement vierge et qu'il se prête assez bien à la calligraphie, malgré son quadrillage de légères lignes vertes. et je viens d'y déposer sur la première de ces pages tout ce qui précède. J'en écrirai un peu, de temps en temps, chaque soir, si je suis courageux. Comme ça, les nuits seront moins longues. Je peste de ne pas savoir me servir, comme Clémence, de mon clavier d'ordinateur. Elle s'est tapée avec tous ses doigts. Moi, avec deux seulement, j'y renonce. Je peine trop, je me trompe sans arrêt, ça n'avance pas assez vite. Retour aux vieilles méthodes, épistolaires. Après tout, c'est plus romantique. Sauf que j'écris comme un cochon. Faut que je fasse un effort, sinon je pourrais même pas me relire. Après ces considérations dépourvues d'un grand intérêt, il faut quand même que j'entre dans le vif du sujet. Parce que si je me décide à écrire mes mémoires, ce sont celles d'un temps révolu et non celles de maintenant. Celles de maintenant, en dehors du fait agréable qu'elles se passent sur une île plutôt attractive, avec une compagne que j'adore, sont tout de même à classer dans la série « Métro, boulot, dodo ». Et d'ailleurs, ce ne sera en fait qu'une réécriture. Parce que tout ça, c'était déjà consigné dans une sorte de carnet de route qu'un beau jour j'ai perdu. Je crois même savoir où. Dans l'avion de Paris qui m'amenait à La Réunion il y a près de 5 ans, où il sera sans doute tombé sous mon siège. C'était un peu avant que je rencontre Clémence. Alors il faut vite, maintenant que j'en ai le temps, que je me remémore toute ma vie d'avant elle, du moins à partir de mon départ pour le Sri Lanka, fin 1986. Ce retour au passé va me changer les idées, tout en faisant sûrement ressurgir des choses oubliées. Il est temps, à la quarantaine bien tassée, à l'approche des 50 piges qui se précisent, parce que je risquerai peut-être bien ensuite de ne plus me souvenir de certains détails. Donc, en 86, c'était l'époque où Dutronc chantait « Merde in France », celle où Coluche avait créé les Restos du Cœur. On dit que ça va mal maintenant en France, mais à cette époque-là aussi. Sans doute que c'était le début et que ça n'a fait que continuer. Sans Coluche, malheureusement, pour trouver les bonnes solutions, tout en nous faisant momentanément oublier par sa gouaille ironique la grisaille ambiante. Puisqu'il devait, comme on le sait, se tuer à moto. Chômage et compagnie sévissaient. Moi-même, j'avais été touché. Et en plus, après 2 ans d'un fulgurant mariage, je venais de divorcer. À part ma famille qui se souciait fort peu de ma personne, je ne laissais derrière moi que quelques braves potes, partis eux aussi d'ailleurs depuis longtemps. Ibiza, Formentera, le Népal le plus souvent. Peace and love, make love and not wear. L'époque hippie perdurait encore. C'est alors que je décidais moi-même de tout larguer. Et un beau jour, j'ai pris la route, direction Ceylan, devenue depuis Sri Lanka. Façon de parler d'ailleurs, parce que j'ai d'abord pris un avion à Orly avec le peu d'argent que j'avais pu récolter de la vente de mes quelques affaires. Plus exactement un charter pour l'économie. Un avion russe, un vieux coucou de Tupolev, qui, avant que j'en reprenne un autre pour Colombo, en passant d'abord par Bombay, m'emmenait directement à Moscou. Épique le voyage, mais un bon souvenir tout de même. J'avais 26 ans, et l'aventure, quelle qu'elle soit, me remplissait à chaque fois d'un fougueux enthousiasme. Aller à la découverte d'un ailleurs m'a toujours paru une perspective autrement intéressante que de stagner des années au même endroit. Mais c'est surtout l'envie des grands espaces, ceux des terres chaudes, gorgées de soleil, qui m'attirait. Dans l'avion, les sièges étaient étroits, inconfortables et usagés. Ce Tupolev était vraisemblablement un vieil engin datant de Mathusalem. Au moment de la distribution des maigres et insipides repas, 2 hôtesses en blouse nylon bleu s'affairaient derrière leur chariot. Elles étaient presque aussi larges que celui-ci et ressemblaient davantage à des filles de ferme qu'à des hôtesses, ou encore à des femmes de ménage, puisqu'elles opéraient avec ces sortes de blouses de travail dépourvues de toute élégance. Tâchant de réprimer rire ou sourire trop flagrant, durant le voyage, je m'étais amusé à lorgner leur énorme popotin, leurs hanches trop épanouies et leur imposante poitrine que l'immense blouse avait bien du mal à contenir. Mais le plus drôle demeurait leur visage trop fardé qui les faisait ressembler à quelques poupées russes tant ils paraissaient figés et colorés, enduits comme ils l'étaient d'un copieux et outrancier maquillage. Un maquillage qui détonnait par son contraste effarant avec l'accoutrement vestimentaire. Même maintenant, je m'en souviens encore. Sur un teint blanc rosé, 2 énormes taches rondes d'un pourpre violent avaient été plaquées sur chaque joue, formant 2 marques trop voyantes qu'on avait immédiatement envie d'estomper. Les lèvres étaient recouvertes d'un rouge agressif qui débordait de tous côtés, tandis que les yeux, petits et bleus, montraient surtout d'eux une pâte épaisse et disgracieuse du même ton, étalée en une large couche sur toute la paupière, ce qui leur conférait un regard de clown inexpressif. Les contempler était à la fois triste et amusant, tellement c'était ridicule et grotesque. Je me souviens aussi que durant le vol, il y avait eu de nombreux trous d'air, surtout un peu avant l'arrivée à Moscou, où une température de moins 20 degrés venait d'être annoncée. Il faut dire que j'avais choisi le mois de décembre pour partir. Une mauvaise surprise m'attendait à l'aéroport. 5 heures d'attente avant de repartir sur Bombay, et il était 2 heures du matin. Mais une autre surprise, très bonne celle-ci, me permit de patienter sans trop souffrir. Malgré mon appréhension concernant le froid ambiant, il régnait dans l'aéroport une chaleur surprenante, une très bonne chaleur. C'était même extraordinairement surchauffé, et j'avais dû retirer mon manteau pour ne pas étouffer. Finalement, je m'étais allongé sur un banc, et j'avais réussi à roupiller. Bon, pour ce soir, ça suffit. J'arrête là ma prose. Je suis déçu. Clémence ne m'a pas appelé, une fois de plus. Et il est trop tard maintenant pour que je l'appelle. Tant pis. J'ai envie de dormir, je pars me coucher.